Il est midi 30, bon midi à l'antenne du 89.1 ce lundi 5 septembre. Voici ce que l'on surveille pour vous dans l'actualité. D'abord, les réactions sont nombreuses à Québec suite au décès du chansonnier Bob Bissonnette. Il entretenait, on le sait, des liens étroits avec les mondes du sport, de la chanson et des médias. Sur les réseaux sociaux, les personnalités sont nombreuses à commenter. Ils se souviennent d'un homme drôle, jovial, généreux, attachant. On ignore encore pourquoi l'hélicoptère dans lequel il prenait place dans le ciel du Nouveau-Brunswick a heurté des fils électriques hier après-midi, tuant Bob Bissonnette ainsi que le pilote Frédéric Descostes. Le troisième occupant, rappelons-le, s'en tire avec des blessures nombreuses, mais pas menaçantes pour sa vie. Il s'agit de Michel Plante, le président et directeur général des Capitales de Québec. Des enquêteurs sont arrivés sur place. Ils ne peuvent rien écarter pour le moment. Il pourrait s'agir d'une défaillance technique ou d'une erreur de pilotage. Cependant, on sait que l'appareil, un Bell 206, est réputé pour être particulièrement fiable. Et scène régionale, un chauffeur âgé dans la vingtaine a été arrêté hier soir pour vitesse excessive sur l'autoroute Laurentienne. Il roulait à 190 km/h. L'homme s'est vu remettre un constat d'infraction de plus de 1 600 $, en plus de perdre 18 points d'inaptitude sur son permis. Aucune accusation, cependant, ne sera portée contre lui. Et cela survient une semaine après le décès d'Alexandre Lesage, 19 ans. Lui aussi, mort d'un accident de la route sur l'autoroute Laurentienne. La voiture du jeune homme qui a fait plusieurs tonneaux à la hauteur de la sortie Georges Muir. Cependant, on ignore encore pour quelles raisons. Et on termine sur la scène internationale. C'est aujourd'hui que se conclut le sommet du G20 à Hangzhou, en Chine. Ce fut l'occasion pour les dirigeants du monde de dire non aux politiques de protectionnistes. Justin Trudeau lui-même, le premier ministre canadien, qui a dénoncé l'isolationnalisme dans une critique plus ou moins subtile au modèle prôné par le candidat républicain Donald Trump. Monsieur Trudeau qui a profité de l'occasion pour faire la promotion de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, qu'il veut voir ratifié en 2017. Des avancées au G20, il y en a eu aussi en matière d'environnement, puisque les deux pays les plus pollueurs du monde, la Chine et les États-Unis, ont enfin ratifié l'accord de Paris. Cet accord conclu à la COP21 qui vise, rappelons-le, à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. La Chine et les États-Unis, qui représentent 40% des émissions mondiales, de quoi accélérer drastiquement ce processus vers l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Voilà pour les informations. De retour à Midi Jazz.